decirte toda la verdad. Cada día eliges escogernos. Somos New Song, somos radio, somos televisión. Estamos para informarte y para entretenerte. Somos la radio que bendice tu vida, la que escuchas. 96.5 New Song. Televisión, somos New Song, la que escuchas en la radio, en tu carro, en tu casa y en el barrio. Lo escucha la vecina New Song, noticias de actualidad New Song. Somos radio, somos televisión New Song. Disfruta, la que pone a Dios arriba, la que bendice toda tu vida. Información al caso y noticia a nivel, aquí vos estará la radio New Song 96.5, la encargo de hace un día, y es hora para mitar y es dos. Palabra de encorajamiento y esperanza me encargo de Hazet de Noti Música. Que yo viva gay y con fe, mundo curaje. Si maladie, problema, miseria, calamidad. Fè decepsyon mouvè la vive, lè fè ou haïtè tou. Ou mèt pran kouraj, kote yo ba Jésus. Lè ou gen Jésus, mwen di ou pa gen échec pou. Ou mèt pran kouraj, lè tou gen pou le vie. La vie a dur, epi li gen danje la dan. Fò kou lutè, fèm sem pou k'arrivé. Seulement Jésus qui t'a fait vivre, papa si mal. Qu'un bébé ferme pour capable triompher. La vie a dur et puis ligue et danger là-dedans. Faut qu'on lutte, frère, c'est pour arriver. Seulement Jésus qui t'a fait vivre, papa si mal. Qu'un bébé ferme pour capable triompher. Senti ou d'avle découragé. Tellement la vie ou le tourne en déception. Tout porte fermé ou pas ouais ou pour ou passer. Même propre famille ou qu'on vire d'au bas ou. Bon sang mignon et brio, même c'est pas parler. Qu'un bébé ferme, Jésus compte ça le bras le faire. La vie a dur et puis lui. Danger la donne, faut qu'on lutte, même si on peut qu'arriver. Seulement Jésus qui t'a fait vivre, papa si mal. Qu'un bébé ferme pour capable triompher. La vie a dur et puis ligue. Danger la donne, faut qu'on lutte, même si on peut qu'arriver. Seulement Jésus qui t'a fait vivre, papa si mal. Senti ou ta vle passe mal. Ou j'en wè la vie ou pa genye sans encore. Le réfléchi ou ka di pa gen chance pou. M'ap conseille ou remet vie ou ba Jésus. Se swel zami ki pap jamè la ge ou nan out. Pout fado yo la ge yo nan pie li. La vie a tué puis li gen danje. Seulement Jésus qui a fait vivre, papa, c'est mal. Qu'aimer, puis faire, pour qu'à pas triompher. De encorajamento e esperança, no encargo de Hazet de Noti Música. Thank you. Y noticias a nivel, aquí donde será la radio New Song 96.5, me encargo de hacer un día, que es hora para mitar y gestos. Palabra de encorajamiento y esperanza, me encargo de hacer de Noti Música. Don Stábico, Isaías 41, versículo 16. No voy a venir a manera de trigo, y bien te lanzarán, tormenta te plamarán. Pero hábolo jubilar para mí, Señor. Hábolo orgulloso de mí, el Dios Santo de Israel. Isaías 41, el versículo 36. Más encorajamiento. Acá fue Habacuc 3, el versículo 2. Señor, mantén de fama. Vos obra ante llenarme con respeto. Volve a sinar, Señor. En curso de nos vida, la gente de nos tiempo mirará. Mas que botín motivo para rabia, no lo olvidar, demuéstranos por misericordia. Habacuc 3, versículo 2. Más encorajamento. Sacá foi Sonfonia 3, versículo 20. De tempo aí, pero tempo aí, lo llega, lo mire un vosso, e volve tres vosso casa. Sí, lo mire un vosso honor e fama, cerca tu pueblo de mundo, ora me cambia vosso suerte, pa bom. Vos lo mire sei, com vosso mesmo ovo. Senhor, te sum, capapia assina. Sonfonia 3, versículo 20. Esa que estaba de otro, palabra de esperanza y encorajamiento de encargo de Hazet de Multimúsica. Sí.